Troisième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire titrée « Destin des images » qui s'interroge sur les vies successives d'un tableau, d'une affiche ou encore d'une photographie. Pour commencer cette émission de ce matin, nous allons nous rendre au mémorial de la Shoah à Paris où vient d'ouvrir l'exposition Auguste Sander, persécuté, persécuteur, qui présente une partie de l'œuvre gigantesque de ce photographe documentaire qui était Auguste Sander. Avec Sophie Nagiscard et Alain Sayag, nous commenterons une œuvre, une seule, iconique d'Auguste Sander, le Manœuvre de 1928. Puis nous aurons le plaisir, après ce reportage, d'accueillir Éléonore Chaline, elle est maître de conférence à Paris 1 en histoire de la photographie, et auteur de « Une histoire contrariée », le musée de photographie en France, 1839-1945, sa thèse parue chez Macula. Avec elle, nous discuterons de la naissance de la préoccupation documentaire dans la photographie, au 19e siècle en particulier. Nous sommes dans l'entrée de l'exposition Auguste Sander, persécuté et persécuteur au mémorial de la Shoah. Avec vous Sophie Nagiscard, bonjour. Bonjour. Et avec vous Alain Sayag, bonjour. Bonjour. Pour évoquer cette œuvre d'Auguste Sander, son importance dans le XXe siècle de photographie bien évidemment, essentiellement connue pour des photos iconiques, mais vous avez voulu replacer l'œuvre d'Auguste Sander dans le long XXe siècle d'une certaine façon, Sophie Nagiscard, et montrer qu'il n'y avait pas que les quelques photos, et en particulier la photo que nous allions commenter dans quelques instants, qui était au cœur de cette œuvre, qu'elle était beaucoup plus ample et intéressante que ce qu'on en disait généralement. Oui, tout à fait, bien sûr. Et puis, surtout au mémorial, on a voulu recentrer l'exposition sur la partie des photographies qui ont été réalisées pendant le Troisième Reich, bon, évidemment. Ce qui correspondait aussi à un sujet entre l'histoire et la photographie qu'on voulait évoquer. Mais il était important pour nous de commencer aussi par quelle avait été cette œuvre d'Auguste Sander et qu'est-ce qu'il avait voulu faire. Alain Sayag. Alors, Sander, c'est vraiment un photographe. Il vient d'une famille très, très simple, de mineurs. Il s'installe comme photographe très tôt. Mais il rencontre à Cologne des milieux d'avant-garde, en quelque sorte, dans les années 20. Mais dès avant la Première Guerre mondiale, il entreprend de donner un portrait photographique de la société qui l'entoure. Il montre une société traditionnelle dont les métiers et le caractère social est toujours très affirmé. Il veut en faire en quelque sorte une typologie, montrer quand il montre un membre d'une famille régnante, il l'intitule le prince, et il montre le prince, il montre le notaire, mais il montre aussi les gens très simples, les paysans de son pays d'origine, le Westerwald, ou les ouvriers. Et à chaque fois, en essayant d'en faire un type bien particulier, que la photographie va exemplariser en quelque sorte. Oui, on est dans une époque où, depuis le 19e siècle, on classe les espèces, on classe les humains aussi, on crée des races. Et c'est vrai que Auguste Sander se place dans cette idée de la classification. Tout à fait, mais d'un autre côté, l'intérêt du travail d'Auguste Sander, c'est justement de mettre à plat cette société par son regard, c'est-à-dire que tous sont mis sur un plan d'égalité. Donc évidemment, ça va quand même à l'encontre de ces théories raciales qu'on va retrouver évidemment développées au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler et par la suite. Alain Sayag, on peut dire qu'il y a des écoles, et en particulier on connaît les écoles de photographie humaniste qui se développent dans les années 20, dans les années 30. Et est-ce qu'on pourrait raccrocher l'œuvre d'Auguste Sander en Allemagne à ce début d'une photographie humaniste, ou est-ce que c'est très différent? Non, je pense que c'est très différent. C'est vraiment, lui s'insère dans une photographie documentaire, mais il a une vision en quelque sorte artistique de cette photographie documentaire. C'est un moment où on passe d'une photographie qui est finalement simplement descriptive à une photographie dont la volonté est de faire des types et donc de créer un langage artistique propre à la photographie, visuellement. Alors nous allons nous déplacer de cette entrée d'exposition Sophie Nagiscard vers une photographie. Oui. C'est laquelle ? Nous avons choisi la photographie qu'il a faite d'un manœuvre. Donc elle s'intitule comme ça. Comme le disait Alain Sayag, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Hein, c'est une typologie. Il y a à peine une date, oui. Il y a à peine une date, oui, voilà. Alors, ce manœuvre, Handlager, donc 1928. Vous nous la décrivez, cette photographie, Sophie Nagiscard ? Oui, alors, il s'agit d'un homme en costume de travail. Il est relativement jeune. Il porte une casquette et il regarde frontalement. Il nous regarde. Il a une main posée sur la hanche et il a la main droite posée sur sa hanche droite et la main gauche, il tient une planche qui est découpée pour s'insérer autour de son cou et qui repose sur ses épaules. Et sur cette planche sont posées des briques qui elles-mêmes sont posées d'ailleurs pour aussi insérer son cou. Et il y a même au-dessus de sa tête, au-dessus de sa casquette, une brique qui vient fermer l'ensemble comme une petite construction. Et la photo est cernée donc, autour de cet homme, elle est coupée à mi-genou, le fond est noir. Il a l'air très décontracté finalement. Et déterminé à la fois. Et déterminé, et en même temps il a cette espèce de charge énorme sur le dos. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette photographie telle qu'elle est composée par Auguste Sander, Alain Sayag ? On voit peut-être tout de suite qu'elle est construite, que la référence c'est l'Atlante qui supporte le monde quelque part. Donc il est dans une position frontale, très bien assise, et qui est quelque part sculpturale. Hein. Donc ce que veut donner comme impression, je pense, Sander, c'est une espèce de force tranquille, qui est celle du travailleur qui accomplit sa tâche, mais qui l'accomplit d'une manière quelque part décontractée, en dépit du poids et de la pénibilité du travail. Ça veut dire que la photographie, pour les photographes de la génération de Sander, c'est un art qui a une soixantaine d'années quand Sander naît, en l'occurrence, cette photographie s'inscrit dans une plus longue histoire qu'est l'histoire du regard et l'histoire de l'art, d'une certaine façon. Plutôt, disons, l'histoire de l'art. Lui, il est en réaction contre la photographie dominante dans les années, au tournant du siècle, 1900-1910, qui est la photographie pictorialiste, qui veut, au contraire, donner du monde une vision idéalisée. On gomme toujours, on nettoie. Là, c'est pas du tout le cas. On a une photographie qui, au contraire, elle est prise, il faut le dire, je pense, avec une chambre 18-24, c'est-à-dire une chambre lourde, avec des négatifs très grands. Donc une très très grand détail, aussi un travail assez lent, hein, et ce qui explique quelque part l'immobilité du personnage. Aussi un éclairage, il a dû poser assez longtemps parce que l'éclairage est relativement... Le visage est éclairé par le soleil probablement, mais l'éclairage est relativement modeste, donc il doit avoir un temps de pose assez lent, d'où aussi cette façon de traiter la réalité. Il la donne à voir... pour lui, de la manière la plus juste possible. Alors, Sophie Nagiscard, elle est vue, elle est peu vue au moment où elle est publiée, sortie. Par qui est-elle vue, d'une certaine façon ? Lorsque cette exposition, donc, qui va donner lieu à ce livre, d'où sont extraits, et d'où est extrait cette photo, qui s'appelle donc Visage d'une époque, le livre, il est quand même vu et regardé par des gens comme Walter Benjamin, qui est tout de même un grand théoricien de la photographie. Même si c'est pas son texte majeur hein, qu'il va écrire sur Sander, en tous les cas, il la voit. Et elle est quand même reçue aussi comme un choc, je pense aussi, dans la mesure où, effectivement, Sander travaille à une époque où la pose est un peu en désuétude. Hein, c'est pas vraiment la chose la plus à la mode. Et lui, il pense que finalement, la pose, c'est la meilleure chose. Parce qu'en faisant poser les gens et dans l'attente qu'ils ont que la photo soit prise, ils vont finalement se mettre en scène dans leur propre personnage. Et donc, cette manière de voir les choses va inspirer beaucoup de gens. Par exemple, on sait qu'il y a des photos qui vont aller aux États-Unis. On sait que des gens comme Walker Evans vont voir cette photographie. Et c'est une photographie qui va tout de suite avoir une influence sur les artistes. Alain Sayag. Oui, parce que c'est l'époque, c'est le moment aussi où apparaît l'appareil 24-36, hein, le Leica en Allemagne, qui va être utilisé par tous les reporters photographes. Cartier-Bresson utilise un Leica, il n'utilise pas une chambre. Et donc, en dépit de cette modernité quelque part, Sander s'inscrit dans une histoire plus longue et continue à utiliser un appareil quelque part, aussi un processus qui est un processus beaucoup plus lourd. Hein. Walker Evans utilise aussi un matériel lourd. Hein. Alors, quand on regarde cette photographie, 1928, d'Auguste Sander, ici au mémorial de la Shoah, on se dit, c'est Weimar. Certes, les nazis sont déjà dans les parages, mais ils n'ont pas encore pris le pouvoir en 1933, Sophie Nagiscard. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fera de ce type de photo documentaire comme celle de Sander, après l'arrivée des nazis au pouvoir et peut-être après la chute du nazisme, c'est-à-dire comment, au bout du compte, il deviendra le témoin d'une époque qui sera profondément bouleversée, qui n'existera plus ensuite. Mais ensuite, bah, il va continuer de toute façon. Il va être plus ou moins interdit de faire des portraits après l'interdiction de ce livre à la vente en 1936. Mais bon, il va quand même continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Il va plus ou moins, pendant la guerre, faire plutôt du paysage que du portrait. Mais en fait, comme c'est un photographe qui a toujours mêlé son travail professionnel, puisque c'est un photographe de quartier quand même, hein, Sanders, c'est comme ça qu'il vit. Et il va continuer à travailler essentiellement sur des listes, sur l'ordonnance en fait de tout ce travail, continuer à faire des images. Et malheureusement, il ne va pas sortir Les Hommes du XXe siècle dans son entier, publié de son vivant, il meurt en 64. Ce qui est intéressant dans la fin de la carrière de Sanders, c'est qu'en fait, il est face à l'Allemagne nazie, face à quelque part un mouvement qui est totalement contraire à sa vision des choses. L'Allemagne nazie, en fait, c'est en dehors de l'exclusion, on exclut, mais pour ceux qui restent, qui sont les Volkenhaus, on veut au contraire une très grande homogénéité. Donc il est face à une société où, au contraire, il y a plus de marques individuelles. Et quelque part, il réussit, il se rétablit parce qu'il retrouve encore le discours qu'il avait en 1911 ou en 1920. Il veut montrer cette unité et dans cette unité, essayer de trouver des types exemplaires. Et il continue à le faire. Alain, c'est-à-dire, qu'est-ce qui explique qu'une photo, parmi un énorme portfolio comme celui des hommes du XXe siècle, ou plusieurs photos, mais peu nombreuses, finissent par devenir des icônes d'un moment? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? C'est le fait que la même image a été revue, vue et revue bien des fois, mais c'est aussi parce qu'elle est, comme j'ai dit, polysémique, et on peut, sur ces images, mettre beaucoup de discours en tous les cas, et quelque part, finalement, elles deviennent exemplaires d'une vision qu'on a, mais qui peut changer au cours du temps, mais l'image reste. Oui, Sophie Nagy-Scard, on va se déplacer dans la dernière partie de cette exposition ici au Mémorial de la Shoah pour faire contraste avec ces images iconiques dont on parle. Et il y a d'autres images qu'on redécouvre. Alors, ce sont quoi ces images? Il y a donc un portfolio qui représente des nationaux socialistes et qui comprend 10 images et qu'il a intégré à une partie des hommes du XXe siècle qui s'appelle les catégories socio-professionnelles. Ensuite, il y a 3 portfolios qui appartiennent à la catégorie La Grande Ville, qui sont les persécutés, les prisonniers politiques et les travailleurs étrangers. Et on termine avec le portfolio qui termine Les Hommes du XXe siècle, enfin, en tous les cas dans sa dernière version, qui sont les derniers hommes et qui en fait représentent le masque mortuaire de son fils Éric. Alors, persécuté, persécuteur, c'est l'ambition documentaire, là encore, d'Auguste Sanders, que de pouvoir créer cette œuvre encyclopédique. Je pense, mais avec ce regard qui est différent, dans la mesure où là, on a plus de types, on a une espèce de... On parle des persécuteurs ou des nazis, on ne sait plus très bien. Il n'y a pas d'identification de l'un par rapport à l'autre. Et en plus, il faut bien remarquer qu'il s'agit toujours d'Allemands simples. Il n'y a pas d'officier supérieur, il n'y a pas de membre de la haute hiérarchie nazie. Il s'agit d'Allemands ordinaires ou quelque part de nazis ordinaires comme... On l'a pu l'écrire dans certains livres. C'est l'uniforme qui est important. Finalement, on voit cette catégorie qui est majeure finalement à ce moment-là en Allemagne, c'est que tout le monde est en uniforme. Et donc je pense que Sanders veut, à travers le fait qu'il est un photographe de quartier et qui photographie l'ensemble des gens qui se présentent devant lui, qui ont besoin de photographie, il les photographie systématiquement dans leur uniforme, de façon à bien marquer cette espèce de regard général sur une société où tout d'un coup l'uniforme est fait partie de l'individu. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. On a parlé d'une photo iconique, et effectivement elle l'est, cette photo de manœuvre de 1928. Celles-ci que vous présentez dans cette exposition ne le sont pas, ou ne le sont pas devenues au même titre. Elles sont moins dans l'œil des spectateurs quand on parle d'Auguste Sanders. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Est-ce qu'il y a une explication particulière? Je ne sais pas, Alain Sayac, vous avez une idée de... Je ne suis pas sûr que certaines ne vont pas le devenir. Est-ce qu'il y a, par exemple, ce jeune homme blond avec les yeux bleus dans son uniforme noir? J'ai même l'impression que c'est un musicien d'une unité de tankistes. Il pourrait très bien symboliser l'Allemagne de cette époque-là, l'Allemagne militarisée avec un certain charme, hein, mais une certaine... On ne connaît pas son destin, probablement. Il est mort sur le front de l'Est, dans le froid de Stalingrad. Donc, il y a quelque part aussi quelque chose d'emblématique qui peut très bien un jour réapparaître et être finalement très, très prégnant dans cette œuvre-là, dans cette partie de l'œuvre-là qu'on a toujours regardée quand même avec certaines... gêne. Bon, moi, je me suis intéressé à l'œuvre de Sinder très tôt, il y a 30 ans, hein, et je comprenais pas comment cette partie-là s'insérait dans l'œuvre. Et c'est grâce à l'exposition de Sophie que tout d'un coup, j'ai eu la clé, que finalement, il y a une extraordinaire continuité entre le début, cette Allemagne du Deuxième Reich, et puis cette Allemagne de la guerre, finalement. Et là, tout d'un coup, on le voit. Et le regard de Sinder, qui est toujours le même. Merci à vous deux, merci à vous Alain Sayag et merci à vous Sophie Nagiscard. Cette exposition vient tout juste de commencer, elle dure jusqu'à... Alors, jusqu'au 15 novembre. Donc on a largement le temps de venir la voir. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir la voir plusieurs fois, puisqu'en plus elle est gratuite. Merci Sophie Nagiscard, merci Alain Sayag. Merci. Voilà donc pour cette photographie du manœuvre de 1928 que vous pouvez donc voir dans cette exposition Persécuté, persécuteur Auguste Sinder au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au mois de novembre prochain. Et nous continuons notre émission avec vous, Éléonore Chaline. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc maître de conférence à Paris 1 en histoire de la photographie et vous êtes auteur d'une thèse qui vient d'être retravaillée et publiée par les éditions Macula après avoir reçu un prix important. C'est une histoire contrariée, le musée de photographie en France 1839-1945. Beau travail qui synthétise une obsession. Une obsession, c'est de créer un musée de la photographie qui ne verra finalement jamais le jour à Paris ou en France, mais qui existe, cette obsession, depuis la naissance même de la photographie. C'est votre travail, Éléonore Chaline, que d'avoir révélé ces différents aléas, pourrait-on dire, de la volonté de faire des collections, de faire un musée, de classer la photographie. Et nous parlions de classement à partir de l'œuvre d'Auguste Sinder, cette volonté de classer les types humains. Tout compte fait, cette volonté documentaire dans laquelle s'inscrit Auguste Sinder dans la première moitié du XXe siècle, c'est une volonté ancienne de ceux qui pratiquent la photographie. Oui, c'est une volonté ancienne qui remonte aux origines vraiment de la photographie. Et cette histoire d'ailleurs d'Auguste Sinder me fait penser et rajoute à cette idée que la photographie fait corps avec l'archive quasiment depuis sa création. C'est-à-dire que cette invention a suscité d'emblée dans les discours dès 1839 l'idée qu'avec elle, on pourrait enregistrer l'histoire, qu'on pourrait enregistrer les événements et que donc on pourrait former ces collections qui deviendraient des sources visuelles pour les historiens. Alors ça naît dès le début. Alors le début, on ne sait pas très bien quand il se situe. Est-ce que c'est 1822? Est-ce que c'est 1827? Est-ce que c'est donc, et là on rend hommage à Nicéphore Niépce, est-ce que c'est 1839? Et là on rend hommage à la divulgation de l'invention de la photographie par Louis Daguerre. En tout cas, ce début est un peu hésitant. Et puis il y a aussi des tentatives britanniques qui se déroulent de l'autre côté de la Manche, bien évidemment, et que les Français s'empressent d'oublier par nationalisme ou par chauvinisme en l'occurrence. Mais enfin, toujours est-il qu'on ne connaît pas très bien le début, mais ce qui est tout à fait remarquable dans votre travail sur une histoire contrariée et le musée de photographie en France, c'est que dès le début, on se dit il faut conserver. C'est ce que vous dites à propos de l'archive, il faut conserver ces photographies, elles ne sont pas simplement un moment pris sur le vif, mais c'est quelque chose qui va faire de l'histoire, qui va faire de l'archive. Pourquoi cette préoccupation selon vous, Éléonore Chaline ? Alors, pour plusieurs raisons, je pense qu'il y a d'abord une sorte de leitmotiv de la part des photographes qui ont besoin de légitimité. Donc, cette légitimité, ils vont la trouver dans leur production photographique, mais ils vont aller la rechercher dans les grands cadres institutionnels qui existent déjà. Et par exemple, cette idée de musée. Dès les années 1840, on trouve l'expression de musée photographique, alors que la photographie vient de naître. Et puis, je pense que cette image, notamment le daguerréotype, fascine aussi par sa précision, par son caractère extrêmement détaillé, qui donne envie de rassembler ces détails. Voilà, dans des collections. Donc, la grande idée que développe Arago, par exemple, c'est pour les archéologues en Égypte, l'idée que la photographie serait un formidable outil d'enregistrement. Voilà. Et pourtant, comme pour les photos d'August Sander, c'est un monde en noir et blanc, en l'occurrence. C'est donc un monde qui ne rend pas les couleurs du réel. Donc, on peut se dire, d'une certaine façon, comment penser un art qui ne rend pas le réel et qui pourtant a prétention de le rendre et même de permettre aux générations futures de comprendre quel était le monde qu'ils ne connaissent plus, par exemple. Alors, par exemple, August Sander, justement, dans ses conférences dans les années 30, va dire que l'essence de toute la photographie, c'est sa manière documentaire. Et l'idée vraiment d'un style, finalement, de rechercher cette fabrique documentaire, cette texture documentaire. Et il nous dit, ce qu'il veut faire, lui, c'est une photographie exacte. Parce qu'il considère que cette photographie, c'est un langage universel. Alors cette idée, elle n'est pas formulée directement dès le 19e siècle. Mais en tout cas, on a l'idée d'objectivité qui va, en fait, plus ou moins collaborer, effacer l'absence de couleur. Et puis, au 19e siècle, on rehausse aussi les photographies de couleur. Hein. Ça se fait beaucoup dans les ateliers de photographie. Dans les années 1850, c'est très à la mode. Pour les portraits, on donne un peu de couleur au visage, aux vêtements. Alors, les premiers pionniers de cette idée qu'il faut faire une photographie documentaire, qui va d'ailleurs, une tentation qui va se heurter à une autre approche, dont parlait Alain Sayag, l'approche pictorialiste par exemple, qui veut, plutôt lorgner du côté de peut-être de la peinture en l'occurrence. Qui sont-ils ces premiers pionniers de la photographie documentaire dont en Allemagne, August Sander sera un poursuiveur un peu plus tard dans les années 10 et 20 du XXe siècle? Alors je dirais là-dessus qu'il y a vraiment plusieurs étapes. Par exemple, dans les années 1850, un photographe comme Cyrus Macaire pense la photographie comme pouvant donner des archives et pouvant fournir des documents, y compris dans le cadre judiciaire, pour attester de la vérité d'un objet. Dans les années 1880, c'est là le vrai développement en fait de cette ce qu'on a appelé l'international documentaire en histoire de la photographie, un moment de changement technique qui permet une prise de vue beaucoup plus instantanée, qui va à nouveau motiver ces projets documentaires. Donc ces premiers pionniers, parmi eux, on trouve Léon Vidal, qui est photographe, qui est d'origine, qui vient de Marseille, qui fait tout pour la photographie. C'est pas seulement un photographe, c'est aussi un véritable médiateur de la photographie. C'est un homme d'affaires aussi. Énormément au départ. C'est un homme d'affaires, c'est un négociant. Il vient d'une famille de négociants de Marseille qui était dans le sel. Dans le domaine. Il est assez riche, il est même très riche. Donc il a du temps, il a une forme de... Il utilise son temps, il se consacre entièrement à la photographie. Et qu'est-ce qu'il va faire justement, et pourquoi justement ce nom est important? Parce qu'il va inventer le premier musée justement documentaire dans cette fin de 19e siècle, en France en tous les cas. Oui, alors on est après l'exposition universelle de Chicago en 1893. Là, dans ce rassemblement des photographes, émerge à nouveau encore cette idée d'archives photographique documentaire. Et Léon Vidal, en 1894, se dit « Bon, moi je veux porter cette idée en France et je veux me charger de créer cette institution, ce musée d'un nouveau genre qui sera un musée des photographies documentaires par les photographies. » Donc il va s'entourer de tout un comité de savants, d'artistes, de photographes, de scientifiques pour créer ce musée qui voit le jour dans les années 1894-95 et qui va exister pendant une dizaine d'années à peu près. Vous parlez de l'exposition universelle de Chicago, mais il faut aussi parler de celle de 1889 qui va célébrer Alors, on dit que la date de naissance de la photographie est un peu différente aujourd'hui qu'elle ne l'était à ce moment-là, mais qui va célébrer les 50 ans de l'invention de la photographie par Louis Daguerre, donc 1839-1859, et qui va tenter de convaincre les autorités, en particulier les autorités de la Troisième République, de la nécessité, justement, que ces œuvres, parce qu'on les considère comme des œuvres documentaires, ces œuvres documentaires ne disparaissent pas avec la mort de leurs auteurs, et donc de acheter des collections, de les classer, de les installer dans un lieu, ce qui n'arrivera pas, parce que Léon Vidal va le faire, mais de façon privée, pourrait-on dire, Éléonore Chaline. Voilà, exactement. En fait, il se dit, je veux que cette idée existe, qu'elle prenne chair, et donc, peu importe que l'État, pour l'instant, ne soit pas encore prêt à la prendre en charge, je vais me tourner du côté des sociétés savantes. Et donc, il trouve refuge, et le Cercle de la Librairie à Paris, boulevard Saint-Germain, qui est aujourd'hui le siège à côté de l'Odéon de l'École de journalisme de Sciences Po, en l'occurrence, qui fait le coin avec une... Voilà. Petite rue dont le nom qui s'appelle Grégoire de Tours, je crois d'ailleurs. Exactement. Ce cercle de la librairie qui est construit et dessiné par Charles Garnier, le créateur de l'opéra, donc Garnier, et donc le lieu où il va installer sa première collection. Donc on lui octroie temporairement, on lui dit vous pouvez installer vos collections dans cet endroit, donc ça sera dans la rotonde des imprimeurs, dans une salle qui est assez libre à ce moment-là. C'est là que se produisent les réunions et les comités de ce musée des photographies documentaires, et là qu'on commence à rassembler les premières étapes, les premières épreuves de cette collection. Qu'est-ce qu'on attend des photographes et surtout qu'est-ce qu'on attend des œuvres déjà passées d'une certaine façon de ces photographes dans ces années 1880 et 90 et pour filer la métaphore que nous tentons de faire cette semaine sur le destin des images, quel est le destin de ces premières images, de la naissance de la photographie et qu'en attendent les contemporains de la fin du 19e siècle, 50 ans ou 60 ans après la naissance de cet art? Alors, c'est un musée qui, au départ, n'a pas d'argent, donc qui va faire un appel aux dons. C'est ça qui est formidable dans cette idée, c'est finalement cet espoir très collaboratif que tous les amateurs de photographie et tous les photographes professionnels puissent donner leurs images pour qu'elles soient rassemblées dans ce lieu. Donc, c'est un projet titanesque qui n'a presque pas de fin. Donc, il y a plusieurs usages qui sont pensés. Le premier, c'est évidemment cette mémoire et l'idée que pour les générations futures, ça sera un rassemblement d'images qui permettra d'écrire l'histoire. Et puis, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus pratique, je pense, qui est de s'adresser aux travailleurs, à ce qu'on n'appelle pas encore les iconographes, à tout ce monde de l'édition, qui viendrait chercher des images dans cette espèce de grande banque d'images. Voilà. Et donc les populariser par l'intermédiaire de l'édition, du journalisme, des journaux, etc. etc. Oui, parce que cette fin du 19e, elle correspond aussi à un moment où on commence à intégrer beaucoup plus facilement les images dans les revues et dans les livres. Donc il y a une vraie concordance entre ces deux mouvements. Mais ce qui est intéressant, Éléonore Chaline, vous qui travaillez sur cette histoire de la photographie depuis un certain temps, c'est de se dire que ça change de nature d'une certaine façon. Entre les premiers collectionneurs des années 1830-1840, ceux qui se font tirer le portrait, comme on pouvait aller chez un peintre dans ces mêmes années 40 ou 50 et sous le Second Empire, et ceux qui ont l'intention à partir des années 1880 d'en faire un musée, ça n'est pas la même préoccupation vis-à-vis de cette image qui est fixée sur la gélatine ou sur une plaque de verre. À ce moment-là, dans les années 1880-90, on passe vraiment à une autre étape où on va, je pense, augmenter cette idée de document photographique, où on essaye en tout cas de le définir, de voir quelles pourraient être les qualités de cette image documentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que la photographie puisse être considérée comme un document. C'est vraiment à ce moment-là... Et pas comme un art. Et pas comme un art. Alors, en plus, vous le disiez dans votre introduction, ce qui est assez passionnant, c'est qu'au même moment se développe ce courant pictorialiste et en regard, on a tout ce travail sur la photographie documentaire qui émerge et c'est concomitant. Et finalement, c'est pas deux projets qui sont véritablement concurrents. Ils se placent pas du tout sur le même plan. Il y en a un. Ils se regardent l'un l'autre. Ils se regardent l'un l'autre. Mais ce qui est assez... par exemple, le musée des photographies documentaires, dans ses collections, intègre de la photographie pictorialiste en disant « Mais en fait, c'est un document parce que c'est un document d'art photographique. » Donc tout peut devenir document. Ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez bien que cette photographie de la fin du 19e siècle, elle n'est pas fixée dans l'imaginaire des contemporains comme étant ce que l'on croit savoir ou ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement, on le rajoute au rang des arts classiquement. Vous dites là, par exemple, elle est ballottée entre le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère des Postes et Télégraphes, le ministère de l'Instruction publique, le ministère des Beaux-Arts. Et on ne sait pas très bien où la mettre, cette photographie. Donc, elle n'a pas véritablement de statut fixe et donc elle va être transportée sous ses tutelles diverses dans différents endroits et cela va donner des choses très différentes. Je pense que c'est même la porosité de son statut qui explique les différents usages qu'on pense de la photographie et qui explique aussi cette forme, je dirais, de fluidité de la matière photographique qui, en réalité, se répand partout. Et c'est pour ça que les expositions universelles sont aussi importantes, c'est que c'est vraiment des moments où on prend conscience que l'image photographique est partout et qu'elle rend tout un tas de services qui sont très divers. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les 50 ans, supposés la célébration des 50 ans de l'invention de la photographie en 1889 au moment de l'exposition universelle de Paris. Nous célébrons cette année le 100e anniversaire de Debussy, une interprétation d'une œuvre de Debussy en blanc et noir par les Sœurs Labec. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait de « En blanc et noir » de Claude Debussy à l'occasion de son 100e anniversaire. Il y a beaucoup de concerts qui sont donnés, en particulier le 25 mars prochain à l'auditorium de Radio France avec l'Orchestre National de France et Karine Dehé, dirigée par Emmanuel Krivine. Il est en effet décédé le 25 mars 1918. Nous sommes en compagnie d'Éléonore Chaline dans notre série « Destin des images » qui s'interroge sur aujourd'hui le destin des images photographiques à partir de l'exposition Auguste Sander et de la photographie particulière de 1928 qui représente un manœuvre. Nous discutons avec Éléonore Chaline, qui est auteur de Une histoire contrariée, le musée de photographie en France aux éditions Macula, de la façon dont la photographie s'est progressivement et difficilement institutionnalisée dans notre pays. Cette photographie documentaire en particulier dont Auguste Sander en Allemagne se voulait le représentant. Alors cette photographie documentaire, vous dites qu'elle est... Il y a un discours technique polémiciste autour de cette question hagiographique aussi, progressiste dans les années 1860, et aussi un récit positiviste, expliquez-vous, de cette photographie à la fin du 19e siècle, qui participe d'ailleurs dans le discours du progrès que l'on connaît beaucoup autour des expositions universelles. Et Léon Chaline, l'invention, l'amélioration, l'imperfection, la façon dont on décide les limites d'un art ou d'une pratique, et puis à nouveau une nouvelle invention qui fait avancer la photographie. Cela, vous le racontez dans votre travail aux éditions Macula. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un échec. C'est-à-dire, vous nous racontez, ou d'un échec multiple, ces tentatives de créer ce musée de la photographie. Donc, on l'a dit par Léon Vidal, avec sa collection d'au moins 20 000 clichés à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et voici que Léon Vidal arrive à mourir en 1906 ou 1907, c'est ça ? 1906. Et voici que sa collection est dispersée et qu'il va falloir à nouveau recommencer cette idée de faire un lieu dans lequel on montrera l'art photographique, et pas simplement l'art, la photographie comme étant un moyen de dire le monde. Alors oui, Vidal n'a jamais réussi au cours de ces 15 années où il défend le musée documentaire à le faire justement défendre par une institution publique. Donc il est resté toujours au cercle de la librairie. Et c'est lui qui porte véritablement cette institution à bout de bras, qui n'a pas de public parce que le cercle de la librairie est privé. Et quand il meurt en 1906, le cercle de la librairie se demande « Mais qu'allons-nous faire de ces collections documentaires ?» Le cercle de la librairie pense que le coût est trop élevé pour le défendre lui-même, et donc va léguer cette collection à la Bibliothèque nationale, qui accepte le don et qui va ventiler, qui va disperser ses collections dans ses séries documentaires et sans doute aussi en jeter une partie, parce qu'il y avait beaucoup de petits prospectus, de pages de journaux qui étaient entrées dans cette collection. Alors donc, elle est dispersée, cette collection, et même si elle entre dans les collections publiques, tout de même, mais elle n'est plus montrée. Et il va falloir recommencer pour d'autres pionniers de ces musées de la photographie documentaire, recommencer, après la Première Guerre mondiale en particulier, à retenter d'imposer cette idée que la photographie mérite d'avoir un lieu pour soi. Et cela, ça va être le travail de tous ceux qui, dans les années 20 et dans les années 30, vont travailler autour de cela et dont vous racontez l'histoire dans Une histoire contrariée, Léonore Chaline. Oui, alors tout de suite après Vidal, il y a les archives de la planète, dès les années 1910. Alors justement, quand on parle d'Auguste Sander, on pense à ces archives de la planète de Albert Kahn et Jean Brune, donc qui se veulent vraiment une photographie, pourrait-on dire, de ce qui se passe dans le monde entier. Mais là, à partir de plaques autochromes en couleur, et évidemment, c'est une ambition gigantesque qui, d'ailleurs, se cassera à la fin des années 20 sur la faillite d'Albert Kahn. C'est aussi, oui, la défense chez Kahn de l'idée que la photographie peut fournir, et notamment c'est le géographe Jean Brune qui dit ça, un arsenal de preuves et de révélations. Et c'est très différent du musée documentaire de Léon Vidal en un sens, parce que Léon Vidal lui fait appel à des dons parce qu'il n'a pas suffisamment de financement pour commander les images, alors que Albert Kahn, lui, a la puissance financière de commander, d'envoyer des opérateurs. Donc c'est aussi un mouvement qui se transforme par ce biais. Alors dans les années 20 et dans les années 30, la question du musée de photographie revient en force. C'est vraiment pour moi le moment de l'acmé de cette question. Je dirais, il y a une dizaine d'années, entre le milieu des années 20 et l'exposition internationale de 1937, où de manière très récurrente, les photographes, les sociétés de photographie vont tenter d'œuvrer pour la création d'un musée de la photographie. Alors, cela, ça se passe en France. Éléonore Chaline, vous avez travaillé sur le cas français. Mais que se passe-t-il ailleurs? Et justement, cette ambition d'un photographe de quartier qu'on nous a décrit, qui s'appelle Auguste Sander, à Cologne, de vouloir ramasser les types humains, par typologie, dans un travail qui s'appelle « Homme du XXe siècle », c'est une ambition qui est particulière à l'Allemagne, à l'Europe centrale, ou est-ce que c'est une ambition qui est partagée par beaucoup de gens dans ces années 10, 20, 30 que vous connaissez, Léonore Chaline? Est-ce que vous avez... Il y a l'exemple évidemment d'Albert Kahn, mais Albert Kahn, ce sont des opérateurs, c'est une commande. Il n'y a pas un seul photographe. Là, c'est une ambition personnelle de vouloir ramasser les types humains, les types de métiers en particulier, dans une seule collection. Alors, pour ce qui est des métiers, on pense nécessairement aussi en France à un photographe comme Adjé, qui dès la fin du 19e, jusque dans les années à sa mort en 1927. Donc il y a quand même des ambitions, je dirais, qui ne sont pas tout à fait similaires, mais il y a vraiment cette tentation un peu partout de dire le monde. De dire le monde par la photographie, de dire le monde, de dire les sociétés, en fait. Alors, il y a un nom qui revient beaucoup dans ce travail que vous avez mené sur le musée de la photographie qui ne voit pas le jour en France, c'est celui de Gabriel Cromer, qui va être une sorte de traumatisme français. On a expliqué comment les Français se pensaient comme étant les seuls et les uniques inventeurs de la photographie, grâce à Nicéphore Niépce et Louis Daguerre. Mais il va y avoir chez Gabriel Cromer cette volonté de créer un musée lui aussi documentaire, qui ne va pas voir le jour, et la création d'une formidable collection documentaire. Que va-t-elle devenir, cette collection documentaire ? Alors, que va-t-elle devenir ? Elle va partir aux États-Unis après la mort du collectionneur. Donc, Gabriel Cromer, c'est un photographe donc, et un historien. Quand on est collectionneur de photographie, il ne faut pas mourir. Parce que, voilà, pour Léon c'est là Vidal, que les ennuis comme, commencent. Comme pour Gabriel Cromer. Ça, voilà. Non, mais ce que ça nous dit aussi, c'est que toutes ces initiatives, ce sont des initiatives privées d'hommes qui se sont passionnés pour la photographie et qui n'ont pas réussi à être relayés par les pouvoirs publics. Donc Cromer, qui commence sa collection au début des années 1900 et qui va rassembler, pendant qu'il en est encore possible, toute l'histoire de la photographie du 19e siècle. Donc c'est pas seulement des images, il y a aussi du matériel, il y a des livres, il y a même des vêtements. Il a récupéré la redingote de Daguerre. Donc c'est un collectionneur complet qui dépense vraiment tout son argent là-dedans et puis qui, justement au moment du krach boursier de 29, ses rentes se voient diminuer, voire il est quasiment en faillite, je pense. Donc il va essayer de donner cette collection ou en tout cas d'obtenir une rente de l'État en l'échange de sa collection. D'autant qu'il pourrait penser que ça va être accepté. On est dans une époque de commémoration absolument folle, puisqu'on commémore le centenaire de la photo deux fois. En 1925, une première fois, et en 1939, une autre fois. Donc, on ne sait pas très bien, mais parce que selon qu'on considère que c'est Niépce qui est l'inventeur ou Daguerre, eh bien, évidemment, on choisit les deux dates. Donc, on fait deux centenaires de la photographie dans ces années 20 et 30. On fait le centenaire de la mort de Niépce en 1933, le 25e anniversaire de la création de la première plaque autochrome. C'est en 1932. On fait le 150e anniversaire de la naissance de Daguerre. C'est en 1937. Donc, on se dit, il y a une préoccupation. On est historique. Ou historienne de la photographie. On est dans ce qu'on a appelé une flambée commémorative dans ces années 20 et 30 pour la photographie, qui voit là ce moment de reconnaissance qui lui arrive, qu'elle avait tant attendu. Donc les photographes se disent, il faut qu'on profite de ce nouvel esprit des années 1930 qui nous soutient enfin. Et en effet, à la direction des Beaux-Arts, on a Huysmans et puis on a Laure Albin-Guillot, qui est une photographe, qui va défendre des projets en faveur d'un musée des arts mécaniques, donc photographie, cinéma, phonographie. Et donc, les photographes se disent, enfin, cet appel d'air, notre appel est entendu et on va voir pour l'exposition de 1937 créer ce musée de la photographie. Donc, Cromer, il croit lui aussi, il se voit déjà en futur conservateur du musée de la photographie. Et puis, il meurt avant l'exposition, en fait. Il meurt en 1934. Et la question qui se pose alors dans tous les milieux photographiques, c'est que va-t-il advenir de cette collection rassemblée avec tant de patience par Gabriel Cromer ? Et que va-t-il advenir donc de cette collection ? Elle va partir aux États-Unis. Pour quelle raison, au bout du compte, Eleanor Schelling ? Alors l'État et donc Laure Albin-Guillot en particulier va essayer de récupérer cette collection, mais demande à la veuve de lui donner. Donc gratuitement, ce que la veuve refuse. Donc à partir de ce moment-là, entre 1934 et 1937 et 39, elle cherche des acheteurs pour cette collection. Et elle va recevoir une offre de Kodak. Enfin, Kodak au départ n'est pas du tout intéressé. Et puis on leur envoie un petit catalogue succinct de la collection. Et à ce moment-là, Walter Clark se dit « Non mais quand même, cette collection serait le seul moyen de rassembler pour nous un musée de la photographie qui soit, disons, au niveau de l'entreprise Eastman Kodak aux États-Unis. Et c'est peut-être une occasion unique. » Donc il se décide à aller voir cette collection. On est en 1939. Il va visiter cette collection dans la villa du collectionneur. Et donc, il arrive dans cette vieille maison 1900 qui est restée dans son jus en 1939. Et il raconte comment les pièces sont encombrées de toute cette collection photographique. Et en même temps, il rentre totalement fasciné. Et il a un prix à ne pas dépasser qui lui a été accordé par la firme pour négocier cette collection. Et il va respecter ce prix parce qu'elle veut en obtenir, cette veuve, le maximum d'argent possible. Et donc, cette collection part aux États-Unis et ça fait scandale. On dit, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à conserver la plus grande photographie, collection de photographies documentaires qui a été rassemblée patiemment par cet homme qui s'appelait Gabriel Cromer. C'est vrai que c'est une histoire assez émouvante parce qu'en fait, cette collection part par l'un des derniers bateaux qui quitte le port du Havre en 1939, à l'automne 1939, pour les États-Unis. Et à ce moment-là, il y a des réactions assez fortes dans les milieux photographiques. Ils disent, mais comment l'État, parce que c'est toujours l'État le responsable, comment l'État a pu laisser passer cette collection et tout ce patrimoine photographique français qui, du coup, part de l'autre côté de l'Atlantique et ne reviendra jamais. Donc ce traumatisme, on le retrouve encore en 1945, quand il y a des histoires de la photographie qui sont publiées, et on nous dit, mais voilà, c'est une perte irréparable. Oui, mais pourtant on peut se dire, voilà un art qui est reproductible. Et c'est à la même époque que Walter Benjamin écrit justement sur cet art photographique et la reproduction mécanique. Donc, d'une certaine façon, les originaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne peut-on pas faire quelque chose à partir de la reproductibilité de cette photographie? Et donc, on n'est pas dans le contexte des œuvres classiques de la peinture ou de la sculpture qui donnent plus de poids à l'original qu'à la copie, en l'occurrence, Éléonore Chaline. Alors oui, la photographie, c'est un art du multiple, mais pour le 19e siècle, il y a beaucoup d'épreuves qui sont des épreuves uniques. Si on pense au daguerréotype, il n'est pas reproductible, le daguerréotype. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la photographie ancienne. Il y a des pièces dont on n'a évidemment plus les négatifs, et donc c'est une collection qui fait vraiment sens. Mais ça sert de détonateur, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment où on prend conscience qu'il y a bien un patrimoine photographique. Donc il faut tout ce temps, donc une centaine d'années, puisque là on est en 1939, centième anniversaire théoriquement de la révélation de cet art ou de cette pratique par Louis Daguerre en 1839. Il faut 100 ans pour que, au bout du compte, malgré les pionniers, malgré tous ceux qui y pensent, eh bien on arrive à considérer qu'il y a là effectivement un moyen de dire le monde et de le conserver au-delà du temps où il a été saisi par l'appareil photographique. Oui, j'ai l'impression qu'il faut presque 100 ans pour que ce discours soit entendu. Le premier détonateur, c'est la mort d'Adjé en 1927. Et quand le fonds d'atelier est racheté par une Américaine, donc Berenice Abbott, là aussi, ça déclenche un scandale. Et il y a ce deuxième épisode de la collection Cromer qui rajoute encore. Et là, il y a vraiment une prise de conscience au-delà des milieux photographiques, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est que ça sorte des milieux photographiques. Alors, vous citez le nom d'Adjet, évidemment, qui est très important pour la photographie de la fin du 19e siècle, mais il y a aussi une particularité dans cette photographie des années 30, c'est qu'il y a une dimension politique à vouloir dire, par exemple, le peuple, qui n'a pas tellement sa place dans cette photographie documentaire du 19e siècle. On y collectionne des figures, mais ces figures sont plutôt des figures de bourgeois, d'intellectuels, d'esthètes, d'artistes. Et là, il y a le peuple, et il y a même une volonté de gauche de vouloir justement croquer le peuple. François Collard et d'autres participent à cette intention qui n'est pas très éloignée de celle de Auguste Sander, dont on parle depuis le début de cette émission avec vous, Éléonore Chaline, qui est de prendre avec la photographie l'image d'une société entière. Et là, en particulier, de la société des ouvriers, par exemple. De plus en plus, dans les années 30, on va penser la photographie comme une arme sociale. Et on va la penser comme devant aussi, pouvant potentiellement, justement, être une arme politique. Oui, parce que c'est une machine d'observation, disent les théoriciens de gauche, dans les années 30, au service de la bourgeoisie et du pouvoir. Et donc, il faut s'accaparer ces outils pour pouvoir les mettre au service de la classe ouvrière. Bah, si on lit Gisèle Freund, justement, à l'exposition, dans ses articles sur l'exposition de 1937, elle pense ces images politiquement et socialement en disant qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de résister aussi aux propagandes d'État et de penser la photographie comme pouvant potentiellement être une arme politique et sociale. En tout cas, comprendre vraiment l'image photographique dans ses dimensions politiques. Ce qui n'était pas tellement soulevé par la critique photographique française au début des années 30, mais qui le devient de plus en plus au fur et à mesure de cette décennie. Alors vous avez consacré un gros livre chez Macula à cette histoire contrariée du musée de photographie en France. C'est toujours pas advenu, ce musée de photographie, Éléonore Chaline ? Non, toujours pas. Disons qu'il y a des musées de la photographie, il y a beaucoup d'espaces d'exposition, il y a beaucoup d'expositions photographiques, mais c'est aussi un espace institutionnel qui est encore en mouvement, dont on entend régulièrement parler dans les médias. Il y a des projets, voilà. Il y a plusieurs projets. Et puis, il y a l'existence, cet éparpillement des collections photographiques qui est réel, et qui fait aussi une des richesses, je pense, aujourd'hui, de ce que peut être l'histoire de la photographie et des différentes lectures qu'elle suscite. Merci en tout cas, Éléonore Chaline, d'avoir pris la pause pour cette émission d'aujourd'hui, après avoir écouté donc ce travail que nous avions mené dans l'exposition Auguste Sander, Persécuté, Persécuteur, dans cette série d'émissions consacrée au destin des images. Vous nous avez expliqué comment s'était historicisé, pourrait-on dire, cette technique qu'était la photographie à partir du milieu du 19e siècle. Et votre livre s'intitule « Une histoire contrariée, le musée de photographie en France, 1839-1940 45 aux éditions Macula. Merci à vous. Après la photographie, la peinture, demain, et bien pour terminer cette série sur le destin des images, nous nous intéresserons à une peinture extrêmement célèbre, le naufrage de la Méduse. Donc, et nous discuterons avec Jacques-Henri Boudon de ce travail qu'il a mené sur l'histoire véritable de la Méduse après avoir décrit ce tableau. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Francesca Fossati. Bruno Gagnère était à la technique aujourd'hui avec nous et Anne Fleury à la réalisation. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur le réseau Facebook, donc en discutant avec le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, et bien entendu, nous écrire à fabrique@radiofrance.com.